Kristo, nous pouvons nous mettre debout pour honorer la lecture de sa parole. Tunaweza kushimama juu ya kuheshimia neno ya Mungu. Nous sommes dans notre livre de Romains chapitre 11. Tuko mkitabu yetu ya Waroma sura 11. Nous pouvons prendre le verset 17. Tunaweza kuchukua mustari ya 17. Pour économiser notre temps. Juu ya kukombola wakati yetu. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées. Sasa kama matawi fulani ilikatwa. Et si toi. Na kama wewe. Qui était un olivier sauvage. Ulikuwa mzabibu ya mupori. Tu as été greffé à la place. Bari kuchomeka pa fashi yake. Et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Na kukuweka mshirika ya mzizi yenye kulisha muti. Ne te glorifie pas au départ de ses branches. Apana kujitukuza ku ile matawi wiko. Si tu te glorifies, kama unajitukuza, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. Yua kusema haina wewe kunachukua mizizi. Mais que c'est la racine qui te porte. Lakini ni mizizi iko na kuchukua. Tu diras donc, utasema basi, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Matawi barikata jumi bapate kunichomeka. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas l'orgueil. Mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Au verset 25, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sage, une partie d'Israël tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Mungu ongeze baraka usome neno yake mjini Yesu Kristo. Vous asseoir. Mnaweza kuikala. Le temps de la réconciliation. Wakati ya mapatanisho. C'est le temps que la grâce nous a offert. Ni wakati neema inatupewa. Ce temps est venu pour nous bénir. Hii wakati ilikuja juu ya kutubariki. Et il n'y a pas une plus grande bénédiction que de recevoir le salut. Na hakuna baraka mkubwa sawa kupokea wokovu. Le salut c'est la plus grande bénédiction. Wokovu njo baraka mkubwa. Que l'homme puisse gagner sur cette terre. Ile mtu anaweza kupata pa hii dunia. Vous pouvez dire avec fierté. Unaweza kusema katika waki. Ce n'est pas en vain que je suis venu dans ce monde. Aina kwa bule mimi nilikuja mudunia. Ma vraie mission que j'ai été envoyé. Kikazi mkubwa ile bali nitumia. A été accompli. Ile timilika. Le jour où toi tu as reçu ton salut. Ile siku ulipokea wokovu yako. Venu dans ce monde. Kuya pa hii dunia. Manquer le salut. Kukosa wokovu. C'est un but manqué. Ni kukosa kifukuzio. Donc il ne fallait même pas que tu viennes dans ce monde. Ni kusema wakupasha taku ya pai dunia. Puisque c'est un jugement qui vous attend. Sababu ni hukumu inakungojea. Mais quand vous comprenez la valeur de ce temps. Sasa wakati unaelewa faida hii wakati. Vous n'apprécierez pas d'être en inimitié avec Dieu. Auweze kuichikia kuwa muadui na Mungu. Mais vous ferez de tout vos possibles sans la contrainte d'une personne. Na utajikaza bila mtu kukukaza. De te mettre en harmonie avec Dieu. Juu upate kuwa musawa na Mungu. Qui est la parole. Yenye kuwa neno. Chers frères bien-aimés dans le Seigneur. Bapenda wa ndugu na dada katika Bwana. Comme je vous avais dit hier soir. Vile nimeonesha jana magharibi. Nous tous, surtout nous les élus de Dieu. Che bote zaidi shiba teule ba Mungu. Nous ne sommes pas venus dans ce message par nous-mêmes. Atukukuye kuhi mujumbe kwa shebenyewe. Frère Franck vient de dire dans sa prédication de ce fin de la fin du mois. Bien que nous nous réjouissons lorsque nous voyons l'église remplie de membres. Cela est bien. Mais ce qui est plus mieux, c'est d'être né de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, vous n'êtes pas simplement les membres de cette église, mais vous devenez l'enfant dans la maison du Père. Et on les devient, c'est lorsque vous recevez Jésus-Christ et que la vie de Dieu entre en toi. Et tout cela se fait par la foi. Puisque la foi est comme l'utérus de la femme qui reçoit la semence de Dieu, et par le moyen de ta foi, la semence vous féconde et engendre cet homme né de nouveau que nous appelons chrétien ou croyant. Et quand vous venez écouter la parole de Dieu, ayez la foi en Dieu. Comme Hébreux 11, 6 nous exhorte, que Dieu est mécontent de toute personne qui vient devant sa présence et qui n'a pas de la foi. Et si vous n'avez pas la foi, vous avez seulement l'incrédulité. Et Dieu est en désaccord avec toute personne qui vient à lui avec l'incrédulité. Mais si nous nous approchons à lui par la foi, alors Dieu se réjouit. C'est à ce moment que la parole, qui est notre médicament, qui est notre médecin, qui est notre guérison, peut bel et bien accomplir son rôle dans notre vie. Maman Possom était allée chercher Branham. Parce que Dieu avait donné à Branham les dons de la guérison du corps, mais il ne lui avait pas donné les dons de la guérison de l'âme. Car le guérison de l'âme, ces dons-là sont simplement dans les mains de Dieu lui-même. Et vous devez savoir que vous ne venez pas ici pour quelqu'un. Vous venez ici pour le salut de ta propre âme. Donc cette église est construite, c'est pour que toi et Dieu vous ayez toujours une réconciliation infinie. Même si quelque chose peut sortir dans l'église, ne regarde pas tout cela. Tu n'es pas venu ici pour ce que les gens d'aujourd'hui commencent à chercher au milieu de l'église. Du temps des Grecs, lorsque Jésus exerçait son ministère, quand ils sont allés là où Jésus vivait, les questions étaient: nous voudrions voir Jésus. Nous ne venons pas ici pour nous regarder les uns les autres. Bien que nous ne pouvons pas manquer de nous regarder, mais nous venons ici c'est pour voir Jésus-Christ. Et ayez une bonne attitude, l'attitude de la foi. Frère, témoigne beaucoup pour nous les gens de teint foncé. Des hommes de couleur. Bantu ba aussi. Il vient de dire, lorsque l'action de la Pentecôte avait commencé, wakati tendo ya Pentecôte rianza, vous vous souvenez quand Branham a prêché même le jubilé d'Azusa. Munakumbuka wakati Branham alihubiri le jubilé d'Azusa. Frère Frank dit que la première personne à qui le Saint-Esprit était descendu et que par lui le réveil de la Pentecôte était amené, c'était un homme de couleur foncée et noir. Frère Franck a dit, cet homme avait même les troubles de vision. Il ne voyait pas bien. Mais cependant, Dieu nous a fait la grâce de nous dotiner que Dieu a donné au noir. Une attitude qui n'est pas chez nous, les Blancs. Et frère Franck a dit, c'est quoi? La bonne atmosphère. Ali Muzuri. Nous recevons toujours la parole avec joie. Avec un cœur ouvert. Signe de la foi. Et quand nous avons la foi, ces heures devant Dieu, nous recevons la parole de Dieu avec joie. Dieu aussi au ciel se réjouit de nous. Et ce que nous manquons, Dieu n'hésite pas de nous les déverser. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, frère Branham m'a parlé de l'atmosphère spirituelle. Vous recevez de Dieu ce que vous attendez de nous. Ce que vous n'attendez pas de Dieu, vous ne le recevrez pas. C'est pour cela, quand vous venez ici, fixez-vous un objectif. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? L'aide de l'église, l'aide des frères, l'aide des sœurs. C'est bien, c'est une portion de l'écriture. Mais on peut vous aider, mais vous ne serez pas toujours aidé. L'aide de l'homme, c'est une aide d'un jour, d'une seconde. De compte goutte, la véritable aide vient de Dieu lui-même. Quand Dieu t'aide, tu es satisfait dans tes problèmes. Pour cela, gardez votre attention à Jésus-Christ, à la parole. Attachez-vous à la parole. Tenez-vous à la parole. Ne regardez même pas les pasteurs. Puisque lui aussi était membre comme nous dans cette église. Puisque le pasteur de cette église est le Jésus-Christ. Nous sommes comme, mais le véritable. Le berger de nos âmes, c'est Jésus-Christ. Alors, à qui tu dois compter? Puisque chacun a un problème. Lui qui n'a pas le problème, c'est Dieu. Et il est la source intarissable. Il est la source intarissable de tous nos problèmes. Ya mambo yetu yote. Les solutions Majibu sont entre ses saintes mains. Iko katika mikono yake takatifu. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, lisons un peu quelques écritures. Ça va nous aider pour bien positionner notre foi. Dans le livre de Nombre, chapitre 17, nous pouvons lire même à partir du premier verset. Tunaweza kusoma hata mustari mbele ya kwanza. L'Éternel parla à Moïse et dit. Wa milele akasungumuza na Musa na akasema. Parle aux enfants d'Israël. Sema na batoto ya Israël. Et prendre une verge selon les maisons de leur père. Na uchukue konto kufuatana na manyumba baba yabo. Soit 12 verges de la part de tous les princes selon les maisons de leur père. Ao makonto kumi na mbiri kufuatana na bale basuja manyumba ya baba yabo. Tu écriras les noms de chacun sur sa verge. Utaandika njina ya kila mmoja pa konto yake. Tu écriras les noms d'Aaron sur la verge de Lévi. Utaandika jina ya Aruni pa konto ya Balawi. Car sababu il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Sababu kutakuya konto moya kwa kila mkubwa wa nyumba ya baba yabo. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant les témoignages. Utaiweka ku ema ya mkusaniko mbele ya ushuhuda. Où je me rencontre avec vous. Kule niko nakutana na mweye. Où je me rencontre avec vous. Kule niko nakutana na mweye. L'homme que je choisirai ule mtu mita chakula sera celui dont la verge fleurira. Itakuwa ni ule mtu konto yake itachipuka. Et je ferai cesser devant moi le murmure que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Namita shimamisha manunguniko yote ile batoto ya Israël beko na misemea. Moïse parla aux enfants d'Israël. Musa kasungumuza na batoto ya Israël. Et tous les princes lui donnaient une verge. Na batoto yote ya mfalme bakampatia konto. Chaque prince une verge. Kila mtoto na konto yake. Selon les maisons de leur père. Kufuatana na manyumba baba. Soit 12 verges. Makonto 12. La verge d'Aaron était au milieu de l'air. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans l'attente du témoignage. Un jour après, verset 8, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente d'assis des témoignages, voici la verge d'Aaron. Où la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons. Na ilitoa ma bouton. Produit des fleurs. Na toa ma tunda, ma et mûri des amandes. Na ikaivisha matunda. Moïse ôta devant l'Éternel toutes les verges. Musa katosha kumbele ya Bwana makonto yote. Et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils le vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant les témoignages pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi kusudi ushimamishe kumbele yangu leur mirmi manunguniko yabo et qu'ils ne meurent point. Na bashikufwe. Bien-aimé dans le Seigneur, bapendwa katika Bwana, ça c'était du temps d'Israël. Ilikuwa ni wakati ya Israel. Aujourd'hui encore, leo pia, rien n'a changé. Hakuna kile kinabadilika. Chacun de nous est une verge. Kila mmoja wetu na yeye ni konto. Qui ne vient pas devant un homme de ce monde. Ula shikwe kumbele ya mtu hapa dunia. Mais qui vient devant le Dieu de l'univers. Lakini ule anakuya kumbele ya Mungu. Le donateur de la vie. Ule analetaka bujima. Ces verges étaient des morceaux de bois mort. Ile makonto ilikuwa ni vipande vya miti vya kufa. Sa la vie. Bila bujima. Séché. Bien kukauka. Qui représente. Ile ilianza kuonesha. Chaque personne dans ce monde. Kila mtu hapa pa dunia. Puisque la Bible dit dans le livre des Éphésiens, nous étions morts par nos offenses. Tulikuwa benye kufa kupitia makosa yetu. Par le péché, kupitia zambi, on essaie déjà des cadavres. Tulizalika tu benye kufwa. Mais pourquoi venons-nous devant Dieu? Sasa juu ya nini tunakuya kumbele ya Mungu? Qu'est-ce que ces verges devaient aller faire devant la présence de Dieu? Ile makonto ilipasha kwenda kufanya nini kuwepo ya Mungu? C'est pour montrer. Ni juu ya kuonesha. Que celui qui est de Dieu, kusema ule mwenye kuwa wa Mungu, chaque élu de Dieu, kila mte ule wa Mungu, quand il vient devant Dieu, wakati anakuwa mbele ya Mungu, son Dieu, Mungu wake, va lui donner sa vie. Atamupatia bujima yake. Eli, et Aaron était le type de celui. Aruni alikuwa picha ya bateule. De la même manière que Dieu avait choisi Eli et Aaron. Munamna moya Mungu alichakula konte ya Aruni. Nous aussi dans ce monde. Sisi pia mwi ulimwengu ya zambi. Dieu nous a élu. Mungu alituchakula. Mais si nous a élu. Na kama alituchakula. Dieu doit donner un signe de la distinction. Mungu anapasha kuleta alama ya achanisho. Je parle de Deutéronome 30. Niko nasema mukumbukumbu makumi tatu. Moïse dit à Dieu. Musa anamwambia Mungu. Seigneur. Bwana. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Kama nilipata neema kwa macho yako. Et si ce peuple a trouvé grâce devant toi. Na kama itaifa ilipata neema kumbele yako. Ne nous laissez pas nous-mêmes nous conduire. Hapana kutuacha shebe nyewe tujongoze. Mais toi va devant. Lakini wewe wende kumbele yetu. Et enseigne-nous tes voies. Na utufundishe manjia yako. Et c'est par là. Nani kupitia ile. Il y aura une distinction. Utakuya chanisho. Entre ton peuple. Kati ya taifa yako. Et les incroyables. Na bapagano. Nous qui venons devant la présence de Dieu. Chebe nyekuya kumbele ya uwepo ya Mungu. Nous ne venons pas devant la Sainte Marie. Atukuye kumbele ya Sainte Marie. Nous ne venons pas devant un cardinal. Atukuye mbele ya cardinal. Nous ne venons pas devant un pape. Atukuye mbele ya papa. Nous venons devant le Dieu de la vie. Lakini tunakuya kumbele ya Mungu wa Bujima. Si nous croyons que notre Dieu est vivant, kama tunaamini kusema Mungu wetu yuko mzima, sa vie est réelle. Bujima wake ni bwa kweli. Cette vie doit se manifester par nous. Pale ile bujima inapasha kuonekana ndani yetu. C'est lui à qui appartient à Dieu. Ule mwenye kwa wa Mungu, Dieu le confirme. Mungu yuko namhakikisha. Et ce soir, na imangaribi, dans ce message, muhimu jumbe, nous sommes deux groupes. Tuko kikunji mbili. Il y a le groupe d'Aaron. Muko kikunji Aruni. Il y a un groupe de princes. Na ile kikunji ingine ya bale batoto. Des gens qui parlent trop. Bantu benye kusema mingi. Qui se proclame qui ne sont de vérité. Benye kujitangaza kusema ni babia kweli. Mais le temps sur lequel nous sommes arrivés. Lakini muali ile tunafika. C'était pas le temps de l'œuvre de la langue. Aina wakati ya milomo na lurimi. C'était temps de la confirmation. Ni wakati ya kuhakikishiwa. C'est lui qui est une enfant de Dieu. Mwenye kuwa mtoto ya Mungu. C'est lui qui est une fille de Dieu. Mwenye kuwa binti wa Mungu. Ce n'est pas simplement par des longues jupes. Aina paka kuvala majipe mirefu. Ce n'est pas simplement par ton attitude tranquille. Aina tuku ya mwali yako ya kutulizana. Nous voulons voir. Lakini tunapenda kuona. Les boutons sortir dans ta verge. Ma buto itoke mkonto yako. Nous voulons voir. Tunapenda kuona. Le fleur est dans ta verge. Maua kukonto yako. Tuku napenda kuona. Le fruit d'amande sortir. Matunda inatoka kukonto yako. Et la verge de goyave ne pouvait pas donner les amandes. Na konto ya goyave kupasha kutosha maamandi. Malgré ces fruits-là, ce ne sont pas des fruits que nous consommons régulièrement, mais c'est comme des petits colas. Ataka maile matunda tuikulake kabisa, iko satule tumakola. C'était un morceau de bois sec. Ilikuwa ni mucha kukauka tu. Mais Dieu avait donné, laissez simplement cela. Lakini Mungu aliacha tu masama 12 na 4. Kila uiache iatu. Juu kule kuko Mungu kuko vitu vyote. La uiache Yesu Kristo. Kule kwa Yesu Kristo. Ndugu Brana anasema. Lui dans son ministère. Yeye katika huduma yake. Il n'a pas célébré. Ashiku shangilia. Kazi ya kupeleka bantu kwa ulufu. Quand un homme ou une personne mourait, wakati muntu alianza kufa, wakati Yesu alianza kufika, pa ile fuashi, ilikuwa ni ufufuko. Juu ya nini? Ye ni bujima. Na kule anafika, il arrive avec toutes ses attributs. Eko anakuja na makazi yake yote. S'il arrive là, il y a le péché. Kama anakuja pa fashi kwa mtenda dhambi. Anakuja na huruma yake. Wakati anakuja pale peko mgonjwa, anakuja na matunzo. Kama anakuja pale bantu bato anakosea na maisha ya Kristo, anakabulia wokovu. Na hii mjumbe ni Yesu Kristo. Na hii mangaribi, tuko kumbele ya wepo ya Mungu. Tuko kumbele ya hema ya mkusanyiko. Hapa Mungu yuko anakuja kutana na sisi. Na ulikuwa toka mjamaa yako. Banajua hali yako mzuri. Uko mtu mubaya. Banakujua mzuri. Mukaji. Musoko. Mufashi yote ya bantu. Kusema uko mutu mubaya. Lakini japo Mungu asitukaburie wakati mudefu kubadilika. Siku moya tu inaenea juu Mungu apate kukokoa. Ndugu Branham anasema hakuna andiko kiloko mu Biblia. Kila andiko ndani ya Biblia iko na uwezo ya kuokola mpela manasi ku mbingu. Na muhitaji ba mifundishe sana. Kama wakati Biblia inasema wakati yonese bantu barigeuka kama mahubiri moyo. Lakini leo munesha kushikia ngapi? Na uko na eti converti? Eti usha kugeuka? Na les hommes des Ninive, hukumu yako les hommes des Ninive, bantu ya hukumu ya uku Ninawe batashimamaka shiku ya hukumu. Avec nous les gens qui ont écouté ces messages, na shebale tulishikia imujumbe, na batatukumwaka jubo baritubwaka kumaubiri moya. Lakini shiba leo maubiri ngapi tunashikia? Combien de ministères avez-vous suivi? Mauduma ngapi na mifuata? C'est le temps d'avoir la vie de Dieu. Ni wakati ya kupata bujima bwa Mungu. C'est pourquoi njo kwa mana Jésus Christ mukuya mudi mubana taifa hadi kutukunya muti ya mupori na alikupeleka. Biblia nasema Milau était Israël. Alikuchomeka pale palikuwa Israel. Alikuweka wapi? Ndani yake mwenyewe. Et pour que toi et lui juwe naye devenez un seul. Mupate kuya muchi moya. Donc cet arbre si c'est un arbre de vie. Ju ni kusema hiyo muchi ilikuwa muchi ya bujima. Pale ile bujima inapasha kuonekana kupitia weye mwenye kuya muti ya Yesu Kristo pa dunia. Ça c'est le temps frère. Hii ni wakati nduku. Ule message que nous avons écouté. Ule mujumbe ile tushikia. Inapashwa kutoa matunda. Si vous avez reçu la parole, kama ulipokea neno, les boutons dont on parlera, mabuto ile tuko nasumumuza, inapasha kutoa miti. C'est à une hiver, j'étais simplement un petit dish. Ilikuwa tu ni muti. Lakini Dieu, muwepo ya Mungu, ça poussait des bras. Ilitoa miti, matawi. Parce que la parole de Dieu juu neno ya Mungu ni bujima. Ndio kile Kristo alisema. Les paroles, ma neno yangu ni roho na bujima. Na kama ulipokea bujima, kama ndani yako hauna na mambo ya afya, inapashwa kupata mimba. Na pale tuko ni wakati ya kuchukua mimba mkiroho. Tu dois montrer Christ. Unapasha kuonesha Kristo. Le sarma doit sortir. Matawi inapasha kutoka. Tu dois fleurir. Unapasha kuivya. La parole que nous vous apportons. Neno tuko na miletea. Apuro. Iko na kazi. Fleurir ta vie. Ya kuivisha maisha yako. Ya utukufu ya Mungu. Et quand na wakati une fleur sort. Na wakati huwa inatoka maua. Quand vous passez, wakati unapita, unasikia harufu yake mzuri. Si cette parole que vous venez recevoir, kama hii neno natokea mkupoke, si vous le recevez par la foi, kama unapokelea kupitia imani, inapasha kutoa matunda, inapasha kutoa maua, na bantu wa padunia batashikia harufu ya mzuri. Harufu ya Kristo ni manukato mzuri. Anaitiwa ua ya Aruna. Lisi ya vale. Na ile ua banatungaka nayo manukato. Wakati mtu anaiweka anapasha uko na pumujika harufu mzuri. Na ile napasha kuleta harufu mzuri pa dunia yenye kujaza na harufu mubaya, mabimbotela na nzambi. Ni sheba Kristu kupitia maisha yetu ya Kikristu. Le message mujumbe est venu c'est pour te donner la gloire. Ilikuja kukupatia utukufu. Ce message valorise les croyants. Et mujumbe kuna letia bei ba Kristo. Kama kwa Mkristo bia kweli. Et mujumbe takuletia heshima. Njoo kwa maana Biblia inasema. Dieu honore celui qui l'honore. Mungu anaheshimia yako leo kwa kumheshimia. Na neno ya Mungu. Kama unaipokea. Haiwezi haina pale jua kupatia haya. Elle est là, c'est pour te donner de la valeur. Igo pale jua kupatia bei. Même si tu as vu dans le vécu qui dans la débauche. Ataka mwishi maisha ya musharati. Mukipagano. Lakini kama unageuka kabisa. Ata wakati atakuona atakuheshimia. Ivandi regarde cette petite comment elle est. Anasema angalia huyu binti ni vile anakuya. Et devant toi ce sont des inconnus. Na kumbele yako ni bashipo kuyua. Quand tu passes t'appelles Marguerite. Wakati unapita. Donc tu ne les regardes même pas. Au bangalia ta. Puisque ta une femme. Dieu mwanamke. Vous a donné la capacité. Mungu alikupatia uwezo. De comprendre déjà. Ya kuelewa kusema. Mais si l'homme quand il te parle. Roho ya mtu wakati kunazungumza na wewe. Mais si n'a pas encore dit que je vous aime. Hata kama ashakwambia asema kupenda lakini mule ndani yako. Huko unajua kusema huyu mtu eko napenda kunitafuta. Dieu a doté cela à chaque femme. Mungu alikaburia kila mwanamke ile ari. Et si vous êtes de Dieu, na kama kwa Mungu, tout ce que les des païens, bale bote bapagano, bien aimé dans le Seigneur, bapenda katika Bwana, vous n'êtes pas des vendeurs, c'est de ce que nous appelons des matembele. Amuna, bakuzisha matembe, bale banaweza kumitaita vile tu, hauna kitu kia, hauna imbwa, uwe uko Mkristo, unapasha kujikaburia bei. Et Jean-Baptiste disait, non, disait de fruits dignes de la repentance. Si vous venez là où la pire parole est programmée, les fruits de la parole, c'est vous qui devez les manifester. Où là où vous vivez, qu'on voie la vie de Jésus-Christ, vous devenez des panneaux publicitaires de sa parole. Tu as couillé panneaux publicitaires à neno yake. Si vous prenez dans les livres d'Apocalypse, chapitre 22, sura makumi mbili na mbili, chapitre 22, sura makumi mbili na mbili, vous prenez le verset 16, munachukua msara kumi na sita, si vous prenez la version les semer, kama muna beba kugeuza kwa semer, Jésus se présente, Yesu unajionesha, je suis l'alpha et l'oméga, niko alpha na omega, je suis la racine. Niko chemuchemu muzizi. Et la postérité de David. Na uzao ya Daudi. Malgré l'arbre avait cet arbre olivier avait retranché certains branches. Atavile ile muti ya mutini ilitosha ile matawi. Mais la vie de l'arbre n'est pas dans ses branches. Lakini bujima bwa muti bikalayo matawi. Bujima bwa muti bunekalaka matawi. Et notre racine. Na mizizi yetu. C'est la même racine de David. Ni mizizi moya moya ya Daudi. Jésus-Christ. Yesu Kristo. N'était pas simplement l'enfant de David. Ashikuye paka mtoto ya Daudi. Alikuya mizizi. C'est lui qui tenait la famille de David. Ni kusema yeye ndio alikuwa anashika Daudi. Yeye ni mwanzo. Na yeye mwisho. Si ile la racine de David. Kama yeye mzizi ya Daudi. La racine de l'église. Eko pia mzizi ya kanisa. C'est pourquoi la Bible dit, njoko ne Bible te glorifie pas, parce que ce n'est pas toi la branche qui porte la branche, parce que c'est la vie que nous manifestons, ne provient pas de nous, il provient de la terre, il provient de la terre. Et le message, na mujumbe, c'est l'arbre de la vie. Ni muchi ya bujima. En lui, il y a la serre. Muko butomvi. Alléluia. Alléluia. Un jour, Shikumoe. Il y a un homme appelé Gabé. Frère Branham donne son témoignage. Kuko mtu mmoja anaitwa Gabé, ndugu Branham analeta ushuhuda yake. Gabé, c'est l'abréviation de Gabriel. Gabé ni kukata kufupi kwa Gabriel. Il aimait beaucoup chasser. Alipendaka sana kuinda. Il est allé à la chasse puisque dans ce village là, on ne vivait que de la chasse. Alikuwa anaenda mkuinda juu ile mkini alikuwa anaishi paka juu ya kuinda sawa kule kufore kwa. Gabe était un mauvais chasseur. Lakini ule Gabe alikuwa mwindaji mbaya. Barumonesha namna gani ya kuinda. Lakini ashikuweza kata kuua hata nyama moya na bunduki yake. Eko naweka masasi. Hata kama nyama iko pale anapika. Ile risasi itaenda paka pembeni. Itaenda hata kuli. Ashikuweza kata kuua nyama. Wakati watu wataanza kuua nyama. Yeye alikuwa anarudia tu mikono bule. Na ni barafiki baranza kumpatia quelque chose juu ya kusema anze kuishi. Alijua waka kusema ashijue kuinda. Lakini ila siku. Alikuwa tu na kudumu. Hata vile alikuwa mchekelea. Alikuwa na enda kila mara mkuinda. Ni upana inaitaka upana ingine. Lakini siku moya. Muujiza moya ilifika kwa Gabi. Bale bote bakuyua sana kuinda. Aba kupataka ataka nyama kadogo. Ilikuwa ni kukosea kabisa. Lakini ile shiku. Ilikuwa shiku ya hatari ya ule Gabe. Ariua banyama banene. Ba antilope. Ba maali ya kwacha. Banyama kidogo. Masasi yake ilimarizikaka. Alikuwa na banyama mingi. Ashikuya tanamna ye kuichukua. Na alita msaada. Benjake. Alibaita ba msaidi. Bale barafiki yake barikuya. Juya bwa mubebeye. Ile Gabe aliwake ile shiku. Na bantu bakasema ni mambo gani yanafanyika? Eti huyu Gabe anabeba madawa au ni nini? Gabe akasema mimi sikubeba kitu. Leo na mimi sikujua namna kani binafanyika. Lakini katikati ya bale kunje bale. Kulikuwa mmoja mchungaji alikuwa anampenda Gabe. Na wakati alikuwa rudia kule kumkini. Anashikia Gabe kuna lia sana. Kuna lia na uchungu. Lakini mkilio hapana kia furame kia uchungu. Batu bote abakuelewa. Ni mambo kana endeki. Ukweli ni shendo tulipasha kulia. Sasa wewe Gabe, ni siku yako ya karamu. Gabe unalia nini? Gabe alianza kulia. Alianza kulia. Alianza kulomba buluma kwa Mungu. Aba kwanza kuelewa. Sasa bado namuuliza ni mambo kana endeki. Eti nyoka alikuluma. Ao mimi ba sasa ni mambo kanaende pa fashi yawe kufurahi lakini wewe uko nalia. Anasema mchungaji wangu unibatize. Naona mai pale wende kanibatize. Na ule mhubiri akashituka asema wewe Gabe wa kushokuamini mule mnajua ni hapa sasa unaniloma nikubatize. Njoo ile tuko nalilia. Anasema ni juu ile niko nalilia. Anasema Gabe mbele ya mimi kuku. Napenda mbele kusunguza na wewe. Gabe anasema mina le titre de la prédication. Unionyeshe kama ubiri fulani. Ile nilihubiri. Ile ilikugusa. Juu ya kukuleta wewe leo upate kutubu. Juba ubiri baripita hapa. Wea uitikake ubatizo. Sikia jibu ya ule Gabe. Anasema ndugu yangu pastor. Kuna ubiri haka mzuri neno. Lakini shikumbuki hata maubiri yako moya. Ile iligusa roho yangu juu nipokee ubatizo. Hata masubutisho yako. Hakuna hata moya. Ule mhubiri akakuya wako. Sasa ni nini inakwambia ube mpango hivi? Uniambie. Sasa ni mimbo kanile kwaya iliimba mzuri. Ile iligusa roho yako juu ulete maisha yako kwa Bwana. Gabe anasema korali. Inaimbaka mzuri sana. Lakini sikumbuki hata mwimbo yao moya ile iligusa roho yangu. Anasema sasa shielewa. Sasa uniambie. Sasa ni sababu kani na kusukuma ubebe mipango. Anasema mchungaji wangu. Mie Gabe. Enimidi. Uashipo kuwa na bei mkuwinda. Rekonini penso evori. Ule anatambulika mutu wa bure. Sans valeur. Bila kuwa na bei. Sans importance. Bila na valeur. Sans intelligence. Bila akili. Sans rien de mérite dans ce monde. Bila kitu kia kustahiri pa dunia. Mais aujourd'hui. Lakini leo. Moi qui ne connais pas chasse. Mishi kukwe na yua kuwinda. Regarde ce que j'ai chassé. Angalia bile mina uu. Vous les professionnels. Lakini mweba kuyua. Amukubamba kintu. J'ai compris. Mina elewa. Sema Mungu ananipenda. Et le résultat. Na matokeo. Ici, ile munaona hapa. Ce n'est pas le résultat de mes capacités. Aina matokeo ya kuyua kwangu. C'est le résultat de l'amour de Dieu envers moi. Ni matokeo ya mapendo ya Mungu kwangu. Mapendo katika Bwana. Si tu peux tirer une leçon là-dessus. Kama unaweza kuchukua mafundisho pale yulu. Tu dois comprendre. Unapasha kuelewa. Même si dans ce monde. Hata kama mwi dunia. Tu n'es rien. Hauna kintu. Au kufunde. Tu n'es pas marié. Abakuwe. Tu n'as pas de possibilité. Hauna na namna. Ku mbingu. Kuko Mungu ule anakupenda. C'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu Kristo. C'est pourquoi il était venu mourir. Ndio maana alikuja kufa juu ya kuokoe. Si vous lui confiez ta vie. Na kama unamtolea maisha yako. Eko na uwezo. Déchanger l'impossible et devenir possible. Anabadilisha bila biwezekane binawezekana. Tout ce que Dieu fait dans notre vie. Wakati biote Mungu afanya ndani yetu. Aina kustahili kwa shebe yenyewe. Lakini juu ni yeye. Mwenye kwa chemchemu. La fontaine qui nous tient. Yenye kwa chemchemu mwenye kutushika. Hata mimi niko nasema hapa. Ni muzizi ni Yesu Kristo. Hata bazee. Muzizi ni Yesu Kristo. Hii kanisa musiri yetu ni juu tuko na muzizi ile iko natukaburia bujima ni Bwana Yesu Kristo. Njoo kwa maana mti hata kama mnakata matawi yake wakati yote mizizi yake ikingariki chini mubulongo mzuri italeta matawi ingine na ile mizizi ni ujumbe njoo misingi yetu njoo chemchemu yetu eti muko nashika kitu fulani eti muko naelewa banduku. Si vous êtes de Dieu, kama uko wa Mungu, la vie de Dieu, maisha ya Mungu, va se manifester. Itaonekana. Et regarde toi dans ta vie. Asa angalia maisha yako. Tu n'as jamais vu Dieu dans ta vie. Au yaonaka Mungu Dieu maisha yako. Dieu n'a rien fait de toi dans ta Mungu vie. Mungu ashafanya kitu maisha yako? Que chacun médite là. Kila mtu aseme pale yulu. Ainsi mes frères dans le Seigneur. Hivi bapendo katika Bwana. Nous pouvons lire dans le livre de Matthieu. Tunaweza kusoma kitabu kia Mathayo. Chapitre 5. Sura ya verset 13. Le Seigneur a dit vous êtes le sel de la terre. Bwana anasema mko. Mais si le sel repère sa saveur. Sasa kama chumvi. Avec quoi la rue rendra ton? Na nini bataweza kumrudishia hayo? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors foulé aux pieds par les hommes. Inabakia tu kuitupa inye na kupiga. C'est la lumière du monde. Mko nuru ya dunia. Une ville située sur la montagne. Muje yenye kupatikana pale mlimani caché. Haiweze kufichama. Et on allume pas la lampe. Aba wakishaketa. Pour la mettre sous les boisses. Dieu akuiweka chini. Mais on la met sur les chandeliers. Na kiweka pale nara. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Inaangazia bote wenye kwa mnyumba. Votre lumière. Kumbe basi nuru yenu. Iangaze. Ainsi devant les hommes. Hivi mbele ya watu. Afin qu'ils voient. Juu wapate kuona. Vos bonnes œuvres. Qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Na batukuze baba yenu mwenye kwa kumbingu. Avez-vous saisi quelque chose? Eti munashika kitu fulani? Ici Christ nous donne la responsabilité. Hapa Kristo anatupatia bujito. Que les bonnes œuvres de Dieu. Sema matendo mema ya Mungu. Seront vues par le monde externe. Itajulikana na watu wa nje. Ni kupitia sisi. Qui sommes attachés à lui la parole. Benye kuambatana na yeye neno. Et il dit encore. Na anasema tena. Nous sommes les sel. Kusema tuko chumvi. Et le sel de la cuisine. Na chumvi ya kupishi. William Branham utijue de role teologique. Ndugu Branham anasema inafanyaka kazi mbili muchakula. Le sel est un agent conservateur. Chumvi inekalaka ni kitu inachungaka kintu. Il garde même la viande de jour et de jour. Inachungaka nyama hata mashiku mingi juu ishioze. Preva la pui. Na akikisho. Ce que nous appelons poisson salé. Ile tuko naita samaki ya kukauka. Samaki ya chumvi. C'est un poisson frais. Ni cha samaki mzuri. Protéger ni par les congélateurs, ili abaku iporteji ni par la fumée, mais ça garde toujours ça frais. Lakini kuna chunga paka ali yako ni nini na ichunga ile samaki ni chumvi. Et là où il y a le sel, na pale pe chumvi. Pourquoi même les poissons ça les rend pourris? Na ni juu ya nini ile masamaki ya chumvi juu ile aiweze kuishi pale pe chumvi. C'est un poisson. Juu chumvi ni sumu kwa ile ma microbe. Et si nous sommes les seuls, na kama tuko chumvi, notre rôle, c'est de garder la parole de Dieu frère. Ni kuchunga neno ya Mungu, sawa. Comment? Namuna kani? Par notre vie. Kupitia maisha yetu. Notre bonne vie. Maisha yetu mzuri. Garder l'évangile puisse garder toujours sa valeur. Iko na chunga neno ya Mungu ishunge paka ali ayo. Et à part de jouer le rôle dans sa conservateur, na iko na chunga ali mbili. Nous sommes aussi un agent qui donne le goût à la nourriture. Tuko tena bantu benye kuleta chakula. Le sel stimule l'appétit. Chumvi nekalaka mkuleta amu ya kuria bya kuria. Est-ce que vous savez quelque chose? Eti mungu nashe kitu fulani. Donc, en croyant la parole, mkuamini neno, uko na bujito de préserver cette parole intacte. Ya kuchunga ineno, de garder toujours sa valeur. Ya, na kuchunga bei yayo. Patron comporte même pas tes habitudes. Kupita ali yetu ya kutenda. Ku, kama kuna maisha mubaya. Iko na haribisha neno. Et la Bible dit, frère Branham dit encore. Na ndugu Branham anasema. Kazi yetu. Se donner le goût. Ni kuleta onjo. Se croya. Kuba pagano. Bapate kuya hapa. Et beaucoup de gens aujourd'hui viennent dans ce message. Nabato aniwe na kuya leo. Beko na conduite. Lakini kupitia maisha ya bantu fulani. Bale bantu asha ugeuka njoo bale bantu wanashikia neno ya byakweli. Maisha ya byakweli ya neno. Inapita hata mahubiri. Kuishi njili. Huko unapata manafsi juu ya Bwana. Mko vous donnez la valeur à Jésus-Christ. Uko na leta heshima kwa Yesu Kristo. Mais quand vous faites le contraire. Sasa kama unafanya kinyume. Unaharibisha biote. Et devant Dieu. Na kumbele ya Mungu. Tu n'as pas de valeur. Aona na bei. Comme Israël. Sawa Israël. Il va te retrancher, te mettre dehors. Bata kukata na kukuweka pembeni. Avançons. Tuendele. Dans le livre. Mokitabu. De Matthieu, Matthieu, chapitre 9, sura, verset 17. On ne met pas non plus du vin dans de vieilles outres. Abawekake mvinyo muchombo cha zamani. Les outres se rompent. Ile chombo itapasuka. Les vins se répand. Na mvinyo itamwangika. Et les outres sont perdus. Na biote binapotea. Mais on met le vin nouveau. Lakini wanaweka mvinyo wa sasa. Dans des outres neuves. Mukiombo kya sasa. Et le vin et les outres. Na kiombo na mvinyo se conserve. Itachungiwa. Comment pouvons-nous comprendre cette expression? Namna gani tunaweza kuelewa hii msemo? C'est le Seigneur qui parle. Ni Bwana yuko nasema. Et frère Branham dit. Na ndugu Branham anasema. Avant d'aller en Israël, mbele ya kwenda kuisraeli, il n'avait jamais compris cette écriture. Ashikuanza kuelewa hii andiko. Anasema namna gani? Banaweza kuweka bidon ya zamani, banaweka maya sasa na itakawia. Sasa hii chombo ili aiweze kuchunga. Le nouveau produit. Mvinyo ya sasa. Il dit c'est quand il est allé en Israël. Sasa ni wakati alienda kuisraeli. Mula alielewaka hii andiko. Dans le vieux temps en Israël. Kusema kule kuisraeli. Ce que nous appelons les bidons. Ile tuko naita mabidon. Il est fabriqué par les peaux de vache. Balianza kuitunga na mangozi ya bangombe. Et pas n'importe quelle peau, c'était des peaux na ilikuwa ni mangozi ikingari mubichi. Banatosha ngombe. Banabeba ile mvinyo. Baranza kuweka sawa kintu. Na baranza kuifunga kama mzuri. Na wakati unafunga. Mvinyo. Itaanza ku. Multiplier sa force. Itaanza kuongezeka makali. Multiplier la puissance. Na wakati kuna chemu kuka. La peau aussi comme était flexible. Il est sacré maintenant de comme la vessie. Il est en train de faire quoi? De inaanza kuvimba kufuatana na uwezo ya ile mvinyo inayokuwa mule ndani. Ela uleve va s'arrêter. Na mule mvinyo itashimamia kuchemuka. Na ni pale penye ngozi itashimamia. Après des jours et des mois des années. Mashiku na miezi na miaka. Ile ngombe ilianza kukauka lakini mvinyo ilikuwa mule ndani. Ilikuwa kila mara iko ya mzuri. Sasa mwakati ya kuitumia na kuya bangeweza kufungula. Kufungula, kufungula, kuchukua mvinyo na kuinya. Lakini ile tuku ya zamani ilianza baki. Sasa unaweka mvinyo sasa. Nous allons verser de nouveaux vins. Utaweka mvinyo ya sasa. Ça ne va pas contenir la pression. Aiweze kuchunga ile kuchemuka ya ile mvinyo ya sasa. Pale itaanza kuvimba kuvimba. La vieille process. Ile ngozi ya kukauka ya zamani yashibuka na mafuta. Iisha kupoteza bujima yake itapasuka. Na nini itafika? Na mvinyo na ile ki na yote itapasuka. Et dans les domaines spirituels, na mukiro, na ile natuambia kuzaliwa kwa mara ya pili. Ce message, hii mujumbe, que Dieu nous envoie, Mungu atutumie, qui est même le Saint-Esprit, yenye kuya Roho Mtakatifu, aikalake naishi mu maisha ya zamani, avec la vieille vie du passé, na maisha ya zamani, et le nouveau message, na hii mujumbe, ça ne marchera pas, habita endeka. C'est-à-dire, si vous êtes là devant Dieu, kama uko pale mbele ya Mungu, arrêtez l'hypocrisie. Shimamisha masula mbili. Ubakie mtu wa asili. Il faut naître de nouveau. Unapasha kuzalika mara ya pili. Avoir un nouveau cœur. Kuya na roho mpya. Pour que le nouveau vin juu, puisse être conservé par la foi. Ipate kuchungiwa kupitia imani. Et dans Ezekiel chapitre 36. Na Ezekiel 36. Si vous pouvez lire cela par kama unaweza kuisoma 24. Dieu dit à la maison d'Israël. Mungu anaonesha nyumba ya Israel. Hata mnesha kuzambala. Lakini wakati kuna kuye. Je vous retirerai parmi les nations. Mule nitamitosha mu mataifa yote. Je vous rassemblerai. Nitamikusanisha. Et je répandrai sur vous une eau pure. Na nitamwanga yulu yenu mai safi. Et je vous purifierai de toutes vos suies. Je vous donnerai un cœur renouveau. Je mettrai à vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps les cœurs de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. La vie du péché. Maisha ya zambi. Marchera jamais avec la parole. Aiweze kutembea kamwe na neno. C'est pour cela ici. Njoo kwa maana hapa. Nous n'avons pas besoin des hypocrites. Atuhitaji banafiki. Ici c'est un royaume de fils et de filles. Hii ni ufalme ya batoto ya Mungu bali na mwanamke. Les gens qui sont de nouveau. Watu wanazalika mara ya pili. Qui sont capables de croire à la parole. Ndio na uwezo ya kuamini neno na kuishi mumukini. Bila kuletea injili haya. Puisque quand vous écoutez la pire parole. Sababu wakati unasikia neno ya kweli na unaishi mubaya. Vous trahissez Jésus Christ. Unamkosea Yesu Kristo. Saisissez moi mes frères. Eti mnanielewa banduku. Dans la prédication de frère Branham. Mahubiri ya ndugu Branham. Pourquoi les gens sont si ballottés? Dieu anini banto bana mshimamo mzuri. Paragraphe 106. Paragraphe 106. William Branham dit ceci. William Branham. Maintenant après avoir quitté le second parvis. Sasa kisha kutoka mkile kipande kingine. La sanctification. Ya utakaso. Il est entré dans cette vie consacrée. Balingia mwile maisha kujitoa. Il est entré dans la présence de Dieu. Balingia mwepo ya Mungu. Et c'est pendant qu'il était là. Na wakati balikuwa pale. Ils avaient toutes sortes de choses glorieuses. Balikuwa na bitu biote bia damani. Et nous avons ici un type magnifique. Tuko na picha mzuri. Montrant que. Yenye kuonesha kusema. Si quelque chose est démon. Kama kitu kikufa. Kinaingia. Dans la présence. Mwepo. Devant la tente du témoignage. Ile ema ya ushuhuda. Il vivait à nouveau. Ikitaishi mara mupya. Avez-vous déjà pensé à cela? Eti mwisha kupita kule. Il y prit la verge d'or. Alichukua konto ya Rumi. Et la déposé dans un lieu saint. Na kuyoka pale patakatifu. Et quand il le fit. Na wakati. Anini nui. Mubushiku tumoya. Elle bourgeonna. Ikati. tipuka. Produit des fleurs. Katoa maua. Niri des amandes. Ikaivisha matunda. Ceci à l'espace d'inuit. Mushiku tu moya. Pensez-y donc. Mukumbuke dans la présence de Dieu. Ya Mungu. Cette vieille vierge morte. Ile konto ya zamani ya kufa. Qui reposait là dans la présence de Dieu. Bourgeonna. Ikachipuka. Produit des fleurs et mûri. Ikatoa maua na ikaivia. Qu'est-ce que donc? Ile ni nini quel genre de verge était-ce? Ile ya namna kani? C'était une verge d'Amandie. Et ya c'est de là qu'il avait pris. Nani ile yari ichukua. Les bateaux venaient de l'Amandie. Konto kutoka et Amandie. Vous êtes semblable à un bâton. Na we unafanana na konto. Vous avez été pris bari kuchukua à la branche de l'humanité. Ya un fils de Dieu. Mutoto ya Mungu. Créé au commencement. Mwenye kumbiwa kumwanzo. Et vous pouvez être tombé. Unaweza kuanguka. Mourir. Kufa. Vous êtes détaché. Uko mwenye kutoshwa. De Dieu. Kwa Mungu. Mais quand vous quand vous avez été créé. Wakati uliumbiwa. Pour être un fils de Dieu. Jua kuwa binti wa Mungu. Vous pouvez faire l'étape. Unaweza kufanya mawakati. Vous pouvez faire. Unaweza kufanya. Excusez-moi. Muniremu. Vous pouvez faire de l'étape. Unaweza kufanya matua. Et être respecté. Na kuheshimiwa. Et honoré ici dans les parcs. Na kuheshimiwa umu mwifu. Mais si jamais vous pénétrez dans cet endroit glorieux. Sasa kama unaingia pa ile fashi itukufu. Que vous vous tenez caché avec Dieu. Unafichama kule pamoja na Mungu. Vous produisez ce que vous êtes censé faire. Utatoa kile unapasha kufanya. Prenez pécheur mort. Chukua mtenda zambi wa kufa. Étranger à Dieu. Na umweke kwa Mungu. Sans espérance. Bila onjo. Sans Christ. Bila Kristo. Mettez-le dans la présence de Dieu. Umweke mwepo ya Mungu. Dans ce grand tabernacle glorieux. Il y produira les fruits du Saint-Esprit. La vie de Dieu. La Vierge morte. Bourgeonna. Avant de bourgeonner, elle dit recevoir la fraîcheur. Elle dit être rafraîchie. Oui, après être rafraîchie, elle dégagea une odeur. Un parfum. Revenant de fleurs. Et la chose suivante. Elle est produit du fruit mûr. Et chaque chrétien kila qui vient kuya, de la même manière lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, ya Mungu, il doit être rafraîchi. C'est-à-dire par la prédication. Maubiri, le Saint-Esprit doit s'emparer de cet homme, le renouveler upia, et faire de lui na une nouvelle personne. Voilà pourquoi nous venons devant le Seigneur. Si nous venons devant le Seigneur, c'est pour changer. C'est pour renouveler. On ne fait pas ici passer l'état. Mais c'est pour que Dieu te redonne la vieille vie que tu avais perdue en Eden. Akupatie kitu maisha ya zamani ulipotisha kwa Eden. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki.